Femme m'a dit, je te quitte ici. Mon patron m'a dit, je te licencie. Mon banquier m'a dit, je fais plus crédit. Et lui s'y a dit, c'est pour la saisie. Alors je me suis dit, s'il en est ainsi, allons voir mamie. Ma mère m'a dit, ton père est parti, devine avec qui, ma meilleure amie. C'est pas fini, mes économies, elles sont toutes parties au jeu de Paris. Alors je me suis dit, s'il en est ainsi, allons voir Daddy. Mon père m'a dit, ce que ta mère t'a dit, c'est des âneries. Écoute petit, si je suis parti, c'est avec Jean-Mi, mon meilleur ami, l'homme de ma vie. Alors je me suis dit, s'il en est ainsi, allons voir mamie. Ma mamie m'a dit, grand-père est au lit, les médecins ont dit, c'est fini pour lui. C'est tout le whisky de trois décennies pour noyer sa vie. Pour noyer mamie. Alors je me suis dit, s'il en est ainsi, allons voir papy. Mon papy m'a dit, mon petit doigt m'a dit, que t'as des ennuis, viens-nous par ici. Prends-toi mon whisky, toute mon eau de vie. Prends même le fusil, tire sur mamie. Alors je me suis dit, puisque c'est ainsi, voyons Jésus-Christ. Le curé m'a dit, que même Marie faisait des orgies tous les vendredis. Et ses rêves partis, je n'ai pas dit oui, ma place VIP, on me l'avait pris. Alors je lui dis, s'il en est ainsi, je vais voir Lucie, faire son pain béni de toute cette mie. C'est repart ici, même si l'on prie. Ces flammes gît pour me crucifie, et mon âme gît loin du paradis.